Ma rime, c'est mon essentiel, mon septième ciel, mon sixième sens. Je suis prêt à tout pour elle, quitte à tout faire cramer à l'essence. Envoie les basses, mec, que j'augmente la cadence. Depuis mon adolescence, j'taffe dur mes rimes. Une fois posé, c'est une baffe à la dure comme Mesrine. C'est mon acolyte, elle me suit partout, dans la fonceté, dans l'alcoolisme. Écoute mon son de Babdou. Elle connaît mes peines et mes choix, elle me soutient quand je file droit ou que je suis hors la loi. Je l'aime de tout mon cœur, impossible de m'en séparer. Cette passion me tient trop à cœur, elle me donne envie de tout déglinguer, de tout se flinguer. C'est ma seule façon de m'évader. Je commets des crimes de rimes sur les prods. C'est pas pour le fric, la frime, non, c'est juste pour les potes, pour les MC qui la respectent. Ma rime, c'est pour la France d'en bas. Elle est pour toi, que tu viennes d'un quartier ou pas. Elle peut compter sur moi, jamais je la trahirai. Je peux compter sur elle, au moindre faux pas, elle te surine. Ma rime, c'est mon essentiel, mon sixième sens, mon septième ciel. Sorti ou pas de l'ombre, je garde des pensées vers le ciel. Elle me suivra sous la trace, sur du père, soit la tombe. C'est ma rime, Paris, c'est mon essentiel, mon sixième sens, mon septième ciel. Sorti ou pas de l'ombre, je garde des pensées vers le ciel. Elle me suivra sous la trace, sur du père, soit la tombe. C'est ma rime. Salée comme mes larmes, ma rime en fait couler plus d'un. Inconsciente mais honnête, ma rime est franche mais putain j'en ai le mal des lettres. Insoumis à mon monde, la tête dans les nuages. J'ai jamais su d'où venait ce kiff mais j'en ai squatté les rouages. Toujours présent quand les filles tous les stylos sortent. En plein élan quand il faut toucher sur le microphone. Ma rime touche le ciel avec les doigts ou même avec les yeux. Déployant ses ailes pour élever les siens et caresser les cieux. Furtive elle agit dans l'obscurité, redoutée du tous. Elle roule les mots de cricité. Elle parle de shit pour s'évader ou pour égayer le passé. Elle sort les phrases à tout moment pour écailler le cahier. Silencieuse à la barre, elle sait se faire discrète. Elle reste forte, imprenable, 200 à l'heure dans la tempête. Ma rime c'est mon essentiel, mon sixième sens, mon septième ciel. Sorti ou pas de l'ombre, je garde des pensées vers le ciel. Elle me suivra de sous la trace, sous du père soit la tombe. C'est pour ma rime. Ma rime c'est mon essentiel, mon sixième sens, mon septième ciel. Sorti ou pas de l'ombre, je garde des pensées vers le ciel. Elle me suivra de sous la trace, sous du père soit la tombe. C'est pour ma rime. Ma rime est dite tactile car elle te touche au plus profond. Elle n'agit pas par tactique et elle ne vise aucun profit. Fidé que t'es toxique, nos rimes claquent, traversent les obstacles que nous impose la vie, on s'y oppose. Mais les hommes stackent de cadeau au mic. Quand je rime c'est pour inconscience. Si je suis un Mac, mes filles sont des faces conscientes. Ma rime n'est pas marrante et ne crois pas que cela m'arrange. Je me livre à travers elle et puis tant pis si ça dérange. Les gens ont des œillères, l'argent ne les éclaire guère. Ma rime est une lumière, la pollution veut faire ses pairs. Ma rime matérialise sur un CD ce qui me déstabilise. En effet je parle de faits qui sont loin d'eux, s'attablisent. Elle traîne tard le soir et de plus en plus elle voit tout noir. Elle ne demande qu'à croire mais peu à peu elle m'attriste. Ses douleurs sont réelles, pas de mirage à la Matrix. Mes rimes sont pas virtuelles, authentiques, artistes tristes. Ma rime c'est mon essentiel, mon sixième sens, mon septième ciel. Sorti ou pas de l'ombre, je garde des pensées vers le ciel. Elle me suivra, me soulagera et sous du père soit la tombe. C'est pour ma rime. Ma rime c'est mon essentiel, mon sixième sens, mon septième ciel. Sorti ou pas de l'ombre, je garde des pensées vers le ciel. Elle me suivra, me soulagera et sous du père soit la tombe. C'est pour ma rime. On représente notre rime, c'est pour le 44 mec. Sous du père soit la tombe. De la naissance à la mort, de ta première respiration jusqu'à la suffocation, tu perds dans la tombe.